long et si belle, des yeux bleus comme la mer. Lorsque je pense à elle, son rire me désespère. Un sourire comme les vagues, vaguement merveilleuse. Je vis quand je la drague, je l'aime et c'est tant mieux. Je l'aime et c'est tant mieux. Mais Manon, Manon ne sera, sera jamais. Oh non, jamais pour moi. Schlag, schlag, schlag. Elle n'aime que les schlags. Oh schlag, schlag, schlag. Ce n'est pas une blague. Oh non, schlag, schlag, schlag. Dedans le troubadour. Oh schlag, schlag, schlag. Elle recherche l'amour. Manon est si classe quand elle sort du resto. Élégante, pleine de grâce, amoureuse des clodos. De leur insignifiance, campus à 2 €. Et moi dans ma malchance, je ne bois que du sirop. Je ne bois que du sirop. Mais Manon, Manon ne sera, sera jamais. Jamais que pour les rats. Oh schlag, schlag, schlag. Elle n'aime que les schlags. Oh schlag, schlag, schlag. Ce n'est pas une blague. Oh schlag, schlag, schlag. Dedans le troubadour. Oh schlag, schlag, schlag. Elle a trouvé l'amour. Oh schlag, schlag, schlag. Schlag, schlag, schlag. Schlag, schlag, schlag. Dedans le troubadour. Oh schlag, schlag, schlag. Elle a retrouvé l'amour.